Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Bonsoir et bienvenue dans le Riff Machine. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Panda. Coucou. Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Nelson. Salut. Théo. Salut. Et un nouvel arrivant, Mo. C'est moi. Ça va bien? Écoute, ça va pas mal. Super. Moi, c'est Romain et ce soir, on débarque à Tampa, Florida pour contempler de nos mille yeux la mer cosmique et rendre hommage à ce petit ange parti trop tôt. Bref, on va parler de Death. Première rencontre avec Death. Qui veut commencer? Bah moi j'ai rencontré Death, le groupe. Death le groupe, hein, on est d'accord. Je devais avoir 17-18 ans, ça devait être accompagné de Romain d'ailleurs. J'ai un ami, je connaissais le Death Metal, Cannibal, Six Feet et tout. Et il m'a fait écouter l'album Symbolique. La révélation. J'ai découvert que dans le Death il pouvait y avoir des choses un peu plus techniques et plus, qui allaient plus loin dans les paroles, les thèmes et tout. Et ça m'a amené à écouter d'autres trucs et tout. Surtout Symbolique qui m'a beaucoup marqué. D'accord, ouais, quelque chose de moins plus Death. Bah, moins bas du front, hein, forcément. Voilà. T'as allé plus loin. Mais c'est marrant parce que je crois qu'il y a plein de gens qui ont commencé en écoutant cet album-là. Parce que moi, c'est mon cas aussi. Ouais. Et non, c'est comme toi, ça m'avait, moi aussi, je connaissais un petit peu le Death Metal et c'est le même. Enfin, je vais pas m'étendre parce que c'est la même chose, ça m'a ouvert une forme de Death Metal. Voilà. Sur d'autres, pas d'autres choses extrêmes, ouais. Mais. Plus fin peut-être. Qui voilà, qui est une entrée, ouais, exactement, ouais. Et puis vers des portes ouvertes vers death metal avec autre chose, genre, ouais. Pas que du prog, mais des choses plus étranges, voilà. Oui, et puis t'as un goût peut-être extrême, mais un peu plus. Enfin, ouais, alors. Moins frontal, on va dire, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. C'est vraiment entre l'extrême et quelque chose de simple à écouter, en fait. Pour quelqu'un qui écoute un peu de metal, ouais, voilà, déjà, même pas forcément quelque chose d'extrême. La prog bizarre. C'est accessible, on va dire, dans ouais. Les rythmes et tout, c'est pas. Quand on connaît déjà le métal, on n'est pas trop perdu. Panda. Bah moi c'était mes 15-16 ans, j'écoutais déjà du death mélodique, vous moquiez pas, j'écoutais les premiers albums d'In Flames. Oh oui, non mais t'en avais déjà parlé la dernière fois. Ouais. C'est pas drôle. Ça fait deux fois que tu parles d'In Flames. Ça fait deux fois que tu parles d'In Flames. Et c'est parce que c'était, pour moi c'était aussi une porte d'entrée dans la musique extrême, on va dire, même si j'ai écouté bien d'autres groupes. Mais pour le coup, mes potes, ils étaient beaucoup plus rock ou alors, on va rester dans les classiques de groupes trash que vous connaissez bien, Metallica, Megadeth, puis après du power metal comme Pantera. Et du coup, il y avait très peu de gens autour de moi qui écoutaient des chants gutturaux, etc. Et jusqu'à ce que je rencontre un pote, Julien, et avec qui on a écouté Symbolique aussi. Et on s'est fait quelques sessions de matage de vidéos de la cassette, comment ça s'appelait? Live in LA. Ouais, voilà. Donc j'ai découvert ça sur cassette vidéo à l'époque. Okay. Sur VHS. Excellent. Et puis ouais, ça m'a ouvert pas mal de portes aussi pour savoir que le Death, il n'y avait pas que le Death mélodique, hein. Il y avait aussi... du Death tout court. Le Death tout court, même si ça restait... quand même pour moi très mélodique. T'écoutais du Death Mellow, c'est pas grave. Hein, on ne juge pas. C'est vraiment pas l'émission pour juger, hein, c'est sûr. Donc moi j'ai découvert Death par Nelson. Ici présent, et c'était une soirée chez toi d'ailleurs, Romain, et il m'avait vendu Symbolique, enfin vraiment. Il te l'a vendu cher? Il m'a vendu à 50 pence. Ça m'a acheté direct, et du coup. J'écoutais pas du tout de métal extrême à l'époque, et c'était un peu ma première rencontre avec le Death, et ça m'a beaucoup marqué. Mais pour plein de gens, je crois, ouais. Et ouais. C'était le truc le plus bourrin que j'écoutais, je pense, pendant très très longtemps, quand même. Ok. Ouais, moi j'ai découvert Death, alors, je connaissais Death déjà avant. Dans les magazines, etc. J'avais des potes au collège qui écoutaient Death. Mais j'ai écouté Death très très tard. Genre, années 2000, bien tassé. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, j'entends parler de ce groupe, je le vois tout le temps, il est souvent cité en référence, etc. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je me suis pris toute la discographie. Et j'ai tout réécouté dans l'ordre. T'as commencé par Scream Bloody Gore ? Ouais, j'avais commencé par Scream Bloody Gore. J'avais commencé par le premier. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Symbolique, pareil. Tu l'avais bien vendu aussi. Il l'a acheté symboliquement. Ouais. Il m'a donné pour symboliquement 1 euro, 1 pence. J'ai mis beaucoup de temps à l'écouter. Mais par contre, ça a été l'appréciation immédiate. C'est-à-dire, je trouvais ça vraiment génial. Pourtant, ça va un peu à droite à gauche, c'est un peu prog des fois, vite fait. Ouais, c'est. Mais toute cette première note, ça a tout de suite marqué. Mais je vous dis, c'est le son, c'est pas que les riffs. Ouais, mais c'est un peu ouais, ouais. Ça c'est. Je sais pas pourquoi. C'est... Quand t'es pas trop éduqué à ce genre de musique, c'est moins parfaite. Choquant que d'autres trucs. Le chant est pas forcément le truc qui. Enfin, c'est un truc qui choque souvent les gens avec le métal extrême. Ouais, mais là, c'est le chant qui rebute, ouais. Voilà. Alors, 1983, là on va rentrer dans la période pré-Death. Chuck va fonder Mantas avec Rick Ross et Kim Lee, qui formeront l'année suivante le groupe Massacre. Ils vont enregistrer plusieurs démos, dont une titrée Death by Metal. Ça donne le ton. Hein. Ça donne le ton, ouais. Ça pose les bases. Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose sur Mantas? Qui a écrit? Moi j'ai pas écouté, hein, personne. Bah, le seul truc que je sais, c'est que c'est le blaze d'un des membres de Venom. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est ça. Ouais. Ils étaient vachement inspirés par ça, je pense. Ouais, Chuck était très très fort. Il faut rappeler aussi qu'ils étaient vachement jeunes. Je sais plus quel âge avait Chuck là, à ce moment-là, mais 83 à mon avis. Voilà, c'est ça. Il avait 16 piges. C'est à l'image. 16 ans, ouais, je crois qu'il avait 16 ans. Voilà, ouais. C'est à l'image d'un groupe comme Metallica, il commence hyper jeune. Et la démo Death by Metal, c'est très intéressant à écouter si on veut vraiment s'intéresser à ça. Bon, par contre, c'est vrai que quand tu écoutes Mantas, tu. Ça. Enfin, c'est déjà Death quoi, en fait, sauf que c'est moins bien produit en fait. Ouais, mais c'est déjà de base, non, du coup. Ouais, ouais c'est vraiment le. Situé, Mais, enfin, t'as déjà quelque chose de génial avec les super vocals de Camille. À l'époque, c'était ouais, pas Chuck Schuldiner qui chantait. Ouais. Lui, il s'occupait de. Oui, il était pas disposé à chanter tout de suite. Mais je pense qu'il a vraiment voulu suivre un petit peu la façon de chanter de Camille par la suite, qui était un des premiers à avoir ses vocaux de Death vraiment qu'on connaît par la suite. Plus dans à la fin des années 80. Déjà à l'époque, il avait ce growl Death qui des gens pratiquement encore aujourd'hui. Quoi. Oui, enfin qui sera en plus carrément beaucoup plus développé après par d'autres groupes. Ouais, carrément, mais ça se faisait presque pas à l'époque. Ils vont se radicaliser comme Cannibal Corpse, où là exemple, vraiment ouais, le growl est complètement maîtrisé, on va dire. Oui, guttural. Guttural, ça viendra du fond. Alors, Chuck fera un petit détour par le Canada en 86 pour rejoindre le groupe Slaughter. Slaughter, j'ai écouté. Je sais pas si d'autres ont écouté. Si, moi. T'as écouté, ouais. Ouais. Pas du tout. Mais déjà, ce que je sais de ça, en fait, c'est que c'est très difficile de tracer la présence réelle de Chuck Schuldiner. C'est vrai qu'il a joué avec. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. On sait qu'il était dedans, c'est pareil, pour la répète, tu vois. Mais. Voilà, c'est ça. Il y a des démos de répète, mais sinon, il est crédité sur aucun album. Mais en 86, il y a un album de Slaughter. Je sais, mais j'ai checké. Il est pas noté, mais. Il est pas dedans, il joue pas dedans. C'était pas pour les tournées qu'il était. Il a peut-être fait des tournées, en fait, plutôt, et puis des répètes avec eux, vite fait. Mais il a pas composé dans Slaughter. Il reviendra après, du coup, en Floride. Il poursuivra donc la formation Mantas, mais cette fois-ci sous le nom de Death. Donc on passe à Death, le groupe, premier album Scream Bloody Gore sorti en 87, enregistré à Los Angeles pour le coup, au Music Grinder Studio. La pochette est dessinée par Edouard Repka. Ah, Edouard Repka. Alors, on l'aime. Qu'est-ce qu'il a fait, Edouard Repka? Megadeth. Alors, il n'a pas fait Megadeth. Il a fait Megadeth. Il a construit de ses mains Megadeth. Il a moulé. Tout le monde pense que c'est Mustaine. Il a moulé dans la glace Dave Mustaine. Exactement. C'est peu de gens le savent. Dave Mustaine, c'est un golem. Voilà. C'est un golem de Dave Mustaine. Un fameux golem. Le fameux golem de Dave Mustaine. Le golem magico. Bref, mais non, Ed Repka, il a fait des pochettes magnifiques, surtout dans le thrash metal, qui sont trop célèbres, dont des pochettes de Megadeth. Et... Si on parle juste de cover d'albums, il y en a une centaine quand même. Ah oui, oui. Et bon, il y a pas mal d'albums de Megadeth. C'est pas loin. Oui, grave, c'est le toujours le type de visage américain, là, toujours des catastrophes horribles, nucléaires. Voilà, exactement. Bon, on a bien parlé de la pochette, c'était très facile. Maintenant, on va parler de la suite quand même. Du contenu. Cet album, qu'est-ce que c'est? 96. L'album s'appelle Scream Bloody Gore, le groupe s'appelle Death. À quoi on s'attend? Du coup, là, on est sur les thèmes de base du Death. déjà le nom, hein, déjà la pochette. Il y a alors des thèmes de base du death, mais pas de death. Du genre, hein, pardon. Oui, du genre. Death metal. Non, mais sois précis, Death metal. Il était précis. Ouais, on est sur le gore, on n'est pas du tout sur les paroles introspectives ou quoi, sur l'être humain. Non, non, là on est vraiment sur les thématiques. Si t'es fan de films d'horreur, il y a un morceau qui s'appelle Evil Dead, t'as un truc, je crois, qui est inspiré de ce vidéo de Fucci. Donc t'as beaucoup d'inspiration films d'horreur. Exactement. Chuck Schuldiner, à l'époque, il était inspiré par un groupe français, Sortilège. En plus, et Sortilège, c'est de l'heroic fantasy, pas vraiment du gore, mais au moins ça fait appel à des visions. Fantasmé, d'ailleurs, on voit dans un documentaire, je crois qu'on le voit avec justement un t-shirt Sortilège. Je m'étais fait la réflexion en regardant. Il était vraiment fan de Sortilège. Et en ayant écouté Sortilège aujourd'hui, je sais pas quoi il a. Mais du coup. Ça a dû être une inspiration, hein, ça c'est clair. Plus tard, peut-être. Mais bref, là pour l'instant, Scream Bloody Gore, là tout le monde, 87, tout le monde veut jouer plus fort, plus lourd, plus vite, avec les vocaux les plus crades. C'est le début du death metal en gros. Possessed, comme vous disiez tout à l'heure, a déjà posé un peu les bases. C'est pas les seuls, même dans le trash, ça se radicalise. Bah, alors attends, vous pouvez penser à du Sepultura, ça donne La même année, il y a Schizophrenia qui sort de Sepultura, et tu peux mettre les deux un peu sur un même pied d'égalité, je pense, sur les inspirations que ça a eu pour plus tard pour des gens. T'as aussi cette impression où le trash avait déjà délivré ses albums les plus extrêmes, j'ai l'impression. Où le death est arrivé, comme tu dis, jouer plus vite, plus fort. Ouais. Parce que c'est vrai que Scream Bloody Gore, pour moi, c'est un son. Du trash en fait. Ouais, trash un peu plus. Ouais, parce qu'il y a vachement de. Tout à. Enfin, la batterie c'est du scandale. Ouais, la batterie est carrément. Il n'y a pas de blast encore. Enfin, déjà parce qu'ils n'ont jamais fait death, mais même il n'y a pas de. Bah, elle est assez simple, ça. Voilà. Ta base, c'est quand tu regardes la batterie du Ike Ginovian et tout, il en fait partout, il y a des petits jazz. D'ailleurs, le batteur de cet album, c'est Chris Effert. Le mec de Autopsy, Bloodbath. Chris Effert, qui va faire Autopsy, donc ce groupe génial aussi. Cathédrale on en parlera plus tard. Cathédrale aussi, enfin, le gars a joué dans plein de trucs trop cool, mais Autopsy, c'est magnifique. Et ils sont que deux enregistrés à l'album, en fait. Chuck Schuldiner, il s'occupe des vocals de la basse, de la guitare, et l'autre, il s'occupe de pas de bassiste. Il fait des vocals de ouf. Et notamment sur un Beyond the End of Grave, où il gueule comme un ouf et un des cris les plus dingues de l'histoire de la musique. Au moins. Au moins. Au même mot. Et encore, je suis mesuré. Après celui de Limbiskit. De Limbiskit. Salut, de Limbiskit. Je vais dire ce que j'ai pas dit. Chocolate Starfish est le véritable Scream Bloody Gore. Ah, le Scream. Mais c'est le Scream Bloody Gore de Néo. Hein. Ah oui, ah, clairement. Ah, ouais, c'est le pollution. Bon. C'est clair. Ah, j'y mettrais mes 50 pence. Hein. Ah, vas-y, dans cet album, il y a aussi cette chanson qui est absolument parfaite qui s'appelle Zombie Ritual, que vous pouvez écouter n'importe quand et vous la mettez dans une soirée. Il y a 50% des gens qui sont trop bourrés pour pas se rendre compte de ce que c'est et qui fait quand même, je pense. Non, mais c'est déjà tenté. Bon, il y a 50% des gens qui disaient tu mets quoi, mais. Voilà, mais cette chanson est parfaite, elle n'a pas vieilli d'un pouce par rapport à d'autres chansons dans l'album qui sont quand même, ça se voit que c'est quand même le premier album d'un groupe, mais il est très malade. Ah, il est vachement réussi, il y a des super chansons. Surtout qui restent pour l'année dans laquelle il est sorti. Ouais. Des tubes. C'est des tubes. Des tubes death. Des tubes en pagaille. On va passer au deuxième album en 88, donc l'année suivante, avec Léprosie. Pas des filtres. Alors, cette fois-ci, l'album est enregistré donc au Morrison Studio, Tempa Florida, comme je faisais. On va faire un petit topo du Morrison. Je pense qu'on va faire un petit topo parce que je crois qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis du Morrison Studio. Je pense aussi. Il y a pas mal de choses. Ah, Obituary. Obituary avec son premier album. Alors, Morrison, c'était. Faut rappeler ce que c'était quand même. C'était un studio à Tampa, en Floride. Et je sais pas du tout si c'est des groupes de Tampa qui sont fondés à Tampa et c'était cool et du coup il y a eu un studio, ou si c'est un peu l'inverse, mais quelque part les deux sont liés parce que plein de groupes de cette scène-là floridienne ont enregistré là-bas et tous les groupes basiquement qui sont hyper connus de là-bas ont enregistré à un moment ou un autre là-bas. Stéphane Burrier et ses copains, ils ont tout balancé leur thune pour aller enregistrer leur premier album là-bas ou leur deuxième, je sais plus, mais à la fin des années 80, ils ont enregistré un album au Morrison parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient enregistrer un bon album de death selon eux, parce qu'en France c'était impossible d'avoir un studio qui comprenait ça. Donc c'était un studio très réputé, et là donc Léprosie Death enregistre et, son premier album Andromeda. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet album un peu là, parce que je trouve qu'il est un peu plus dur quand même que Scream Bloody Gore, mais sur une production quand même très différente. Hein. Là, c'est devient du vrai death quoi, c'est moins du espèce de trash chelou quoi. Ouais, on est plus dans le death, la batterie elle est plus. Elle est lourde la batterie, elle est super simple, la caisse claire, elle couvre un peu le reste, je trouve. Je pense que c'est une super porte d'entrée pour les gens qui sont passés à côté du groupe et qui veulent vraiment écouter du vrai death quoi. Plus que Scream Bloody Gore ou l'album d'après. Parce que les riffs, ils sont tous imparables. Il y a du riff partout. Ah, mais quoi, ça part à 100 heures, bien sûr. Ouais, ça balle tout le temps, des riffs tout le temps, des parties qui recommencent et tout. Enfin, ouais, et toutes les chansons, justement, c'est bien noté. Mais je me rends pas bien compte avec les autres groupes. Tous les autres groupes faisaient des choses assez compliquées aussi. Mais je pense que dès à ce moment-là, Death, il devait commencer à faire des chansons qui étaient construites plus compliquées. Ça commence à être plus élaboré, ouais. On va dire. Ouais, c'est élaboré, mais pas dans tu vois, la batterie. Je l'écoute, elle est toujours un peu basique, mais bon, après, ça. Ouais, mais c'est une question de construction de chansons, pas de technique des musiciens, tu vois. Plus de comment ils foutent leurs riffs, en fait, à droite à gauche, que c'est pas juste. Enfin, ça commence. C'est vraiment. Ouais, tu sens déjà qu'il y a un côté un peu rehaussé, quoi. C'est ça, le script de New York, quoi. C'était extrême, mais faire des trucs un peu techniques, etc. Une prog. Mais oui, et même au tout début. Pas trop prog encore. Arrêtez de cracher sur le prog et le mélodique. Non, mais on n'y est pas encore. Parce que justement, vous avez encore les mélodies. Et quand même, cet album-là, il est carrément plus mélodique que le précédent. On arrive à des riffs qui, et puis même des constructions, des compositions qui te laissent entrevoir ce que Death va devenir aussi. Ouais, mais ça reste encore des petits bouts, quoi, des petits passages, mais oui, comme tu dis, mais ça rentre dans l'élaboration, je trouve, des morceaux, cette mélodie justement qui se. C'est parce que Chuck, pour moi, Death, à ce moment-là, ils ont peut-être encore des choses à se prouver techniquement aussi. Et il sera jamais content de lui-même. Et c'est là qu'est le génie de ce groupe et de ce mec. Il t'embarque là-dedans, là. C'est clair, ça va jamais s'arrêter en fait de poursuivre. C'est le mec. La recherche technique. Il est peut-être à l'initiative d'un genre musical, même s'il prétend pas forcément l'être de tout seul, de lui-même. Mais en plus de ça, il repousse les barrières. Quoi. Et c'est ça qu'on aime. Passer donc à Spiritual Healing en 1990. Par contre, on va abandonner directement l'aspect film d'horreur gore. C'est terminé. Les thématiques sont un peu plus sociales. Ça parlait de drogue, d'avortement. Enfin, là, on est dans des thématiques trash. Chirurgie esthétique. Hein, chirurgie esthétique aussi. L'Amérique. L'Amérique. Ouais. C'est le même mec qui fait la pochette. Encore une fois, la pochette, elle annonce grave la couleur où tu vois que c'est un espèce de télévangéliste qui prend la tête d'un mec qui est en fauteuil roulant. Tout le monde a l'air complètement illuminé sur un fond bleu électrique. Alors, c'est la pochette la moins death de death. C'est l'album le moins death de death. C'est death comme pochette, moi, je t'apprête des détracteurs. C'est très réel, donc c'est pas dans les fantasmes des pochettes. Oui, on n'est pas dans le fantasme, on est vraiment. Mais justement, t'es l'évangéliste de télé-US un peu, mais c'est tout aussi flippant, moi, je trouve. Dans ce cas-là, c'est vraiment l'horreur, quoi, en fait. On reste dans une horreur, mais justement, quotidienne. Et ça va guider un petit peu la suite des thématiques abordées par death, je trouve. On est presque au changement, quoi. C'est ça. En tout cas, en termes de paroles et de ce que ça va. Ouais, je trouve moins marquant en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a un peu ce même avis. Enfin, ça ressemble à plein d'albums qui sonnaient pareil aussi à cette époque-là. Je sais pas, moi je trouve moins. C'est celui qui m'a le moins marqué. Musicalement, il y a toujours une continuité entre les prods et Spiritual Healing. Ouais, c'est ça. Mais Spiritual Healing, peut-être comme tu dis, les riffs ils sont peut-être un petit peu plus forts à 2-3 endroits. Il y a des têtes qui sont plus ouf à des moments parfaits. Je trouve il est plat quoi, par rapport aux autres. Ah ouais, carrément. Ouais. Okay. Bah, il y a un peu, je sais pas, il y a pas mal de détracteurs pour cet album, et je pense que si le fait qu'il soit après les prosies et qu'il ressemble un peu à les prosies, il y a moins le côté Scream Bloody Gore qu'il y avait un peu dans les prosies aussi, le côté un peu trash de base, etc., un peu caverneux, etc. C'est un peu, il aborde le changement, mais je pense que. C'est un peu plus clair déjà en fait. Ouais, c'est clair, il y a des plus chansons dedans, il y a une chanson qui s'appelle Low Life qui est hyper cool. Ah ouais, il y a des super riffs dedans, c'est pas le meilleur, je pense, mais c'est pas le moins bon. Oui, d'accord, ouais, c'est pas le moins bon, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que il a plus axé sur les paroles, sur la thématique, sur le sens qu'il y a une volonté de changer déjà en termes de sujets. ses chansons, mais oui, c'est vrai que tu parlais de caverneux, mais c'est vrai que c'est, ça se ressent un peu quand même. Il y a quand même une dureté, mais je pense que c'est dû, certainement dû au sujet, qui font que bah, il durcit un peu son son, il durcit la frappe de la batterie, tu vois. C'est, il y a beaucoup de choses qui font que c'est. C'est différent, mais voilà, bon, il y a un truc, c'est un peu, on a un peu le cul entre deux chaises. Bah, la batterie n'est pas pareille, parce que les prosies, c'est pour. T'as tout le temps le gros truc bourrin sur la caisse claire, comme je disais tout à l'heure, qui recouvre un peu des fois la voix ou les riffs et tout, alors que là c'est plus précis quand même. T'en veux beaucoup à cette caisse claire, j'ai l'impression. Ouais, je l'aime bien dans les projets, ça me dérange pas. Ça tombe bien parce qu'elle est là. J'ai des choses à te dire. Faites entrer l'invité. Oh putain, bah voilà, c'est exactement ce que je te disais. Comme dans le posé, elle a sa place. Elle a sa place. Tout le monde a sa place. Alors, je disais, au niveau des paroles, il y a quand même des thèmes plus matures. Alors, c'est juste un an après les Prosies, deux ans après Scream of Igor, il y a 20 ans. Oui, mais il évolue vite. Hein, je pense qu'il a abordé ces thèmes-là parce qu'il a tourné beaucoup avec des groupes de death de par ses tournées avec les Prosies et Scream of Igor, où il a traîné surtout avec des. Forcément des mecs de musique extrême qui se défoncent la gueule, un peu nihiliste, et lui il était un peu contre ça, donc je pense qu'il a voulu un peu dénoncer aussi ça, il y a des choses qui lui parlaient pas vraiment, quoi. Qu'on va revoir par la suite dans les albums, il y a un décalage quand même avec la scène death, brutal death, tout ça, et les modes de vie qu'il peut y avoir dans la musique extrême, donc il nous le met en valeur. Pendant un truc à rajouter sur cet album. Oui, voilà, cet album-là en fait c'était une transition avec les albums suivants, c'était plus à prendre comme ça, parce qu'on... Toi, tu parlais de cassure, quoi. Ouais, j'étais plutôt sur une cassure. On oublie un petit peu le côté gore, mais et les paroles deviennent un petit peu plus intelligentes, entre guillemets. Ça amorce justement les albums suivants. Et pour la suite, moi, je pense que vraiment, s'il y a plein de gens qui. Enfin, c'est pas leur préféré du tout parce que. Parce qu'il est un peu attendu. Parce qu'il était trop brouillon pour certains, je pense aussi. Justement, après, chaque album est différent à chaque sortie après Spiritual Healing. Pour cet album, il y a une tournée européenne qui va se passer, donc ils vont tourner en Europe, Death, pour cet album, mais sans Chuck, pourquoi? Bah, fuck Chuck, hein. Fuck Chuck. Fuck Chuck Tour. Le Fuck Chuck Tour, ça peut pas rendre comme ça, mais on peut dire que c'est quasiment son nom en sous-titre, on va dire. Alors, je réponds au pip, je crois que ça le faisait chier, c'est ça ou pas? Alors, il y a des interviews. Il voulait pas les chanter, quoi. Il y a des interviews à recouper. T'es un peu dit presque. Il y a des interviews à recouper parce que bon, tout. Voilà, il y a Chuck, il y a sa version, il y a la version des musiciens. Je crois que Mo, t'as récupéré des choses. J'ai surtout récupéré la version de Chuck, hein, parce que je le préfère aux musiciens de toute façon. Et d'après ce qu'il se disait à l'époque, c'est que Chuck avait refusé de participer à cette tournée européenne à la dernière minute. Et que les autres musiciens, donc les deux membres de Massacre, dont j'ai oublié le nom pour l'instant, ont décidé quand même de partir là-bas. T'as oublié leur nom. J'ai oublié volontairement leur nom, je ne les respecte pas. Et ils ont décidé de partir quand même faire la tournée avec deux membres de remplacement, avec le chanteur Louis Carrizales, qui était le batteur de Devastation à l'époque, et le guitariste Walter Trashler, qui était le guitar tech de la tournée d'avant. Des gens qui ont fait l'histoire du death metal. Hein, Et il faut savoir que c'est important d'en parler. Et il faut savoir qu'ils étaient en première partie de Creator pendant cette tournée. Donc c'était quand même un truc assez gros, parce que Creator était très gros en Europe à l'époque. You're the team to really like Chuck a lot, huh? Do you? Do you really like Chuck? Well, let me tell you something about Chuck. He canceled the first European tour. He canceled the second European tour. And he tried to cancel this tour as well. And this time we told Chuck to fuck off and we came without him, okay? So the dude is a dick, okay? We just want to get that clear to you guys, okay? On three, you say fuck Chuck, okay? Ready? One, two, three. Okay, Raging, thank you. Si je peux poser une question, pourquoi Chuck il est pas allé à la tournée? Chuck il était un peu dépressif à cette époque-là parce qu'il se rendait pas trop compte de l'influence qu'il avait, peut-être tout le monde l'adulait, que c'était un petit génie, tout ça. Alors oui, mais ça reviendra souvent, mais c'est vrai que alors, moi je trouve que c'est dans les interviews, il noie un peu le poisson quand même, quoi. J'ai pas réussi à aller au-delà de ça. Enfin voilà, il avait un. Il sentait pas bien, quoi. Il sait pas en parler quand même, c'est ça qui est assez bon, c'est qu'on lui pose beaucoup la question parce que ça avait beaucoup marqué à l'époque et il répond assez volontairement. Il dit juste qu'il y avait des choses qui se passaient dans sa vie, tant au niveau musical qu'au niveau personnel. Il s'étend pas forcément là-dedans parce que je pense pas que ça soit une personne à potin, Chuck Jeff Gaynor. Non, pas du tout. C'est assez secret d'ailleurs. Hein. On connaît pas trop son. Et du coup, ça va bien avec sa personnalité en fait d'être comme ça et de pas en raconter plus. Et le truc qui a fait monter cette histoire, c'est que les membres du groupe qui ont tourné en Europe pendant que lui était aux États-Unis ont soi-disant dit que Chuck était en train de se branler chez lui, que Chuck était en train de tondre sa pelouse. Oui, exact, j'ai fait des petites piques. Et il a peut-être bien qu'il le faisait, alors. J'espère qu'il le faisait, en disant, ouais, quel pantalon con, et qu'il s'en parlait, en entendant ça. Tiens, prends ça, écrase. Et que chez mamie, voilà. Et qu'en gros. Non, mais il avait des trucs perso à régler, visiblement. Et le public européen voulait absolument voir Chuck, et les mecs n'ont pas répondu de la meilleure façon possible, ils n'ont pas du tout été humbles, ils ont dit, ouais, il est en train de se branler les couilles en Floride. Et pour rebondir sur ce que disait Mo, c'est vrai que donc il y a ce côté dépression, mais il y a une interview de Terry Butler qui est sortie beaucoup plus tard avec le manager de l'époque du groupe où le côté dépressif de Chuck est vraiment bien expliqué. D'accord. Vraiment ils le disent quoi, ils l'évoquent. Il y a vraiment ce côté là où Chuck voilà il se sentait pas à l'aise d'aller là-bas en Europe. Et il se sentait vraiment plus à l'aise, par rapport à son statut. Et c'est parce que il a jamais compris pourquoi il était adulé. Il a jamais compris pourquoi lui, pourquoi... Bah, peut-être sans s'en dépasser. C'est un mec hyper sympa, qui a toujours été décrit comme quelqu'un de très sympa, par sa mère, ou d'anciens membres ou de nouveaux membres. Ouais, il a fait un peu son Kurt Cobain, ouais... Ça se voit, enfin comme on disait depuis le début, il essaye de pas faire des pochettes comme les autres mecs, etc. Tu vois qu'il avait peut-être un problème avec la scène dans laquelle il s'inscrivait. Ouais, il voulait continuer à vouloir faire sa musique, qui était du death metal, parce que c'était vraiment la musique qu'il voulait jouer, mais en même temps il était pas à l'aise avec des tas de gens qui se foutaient de sa gueule, bah ouais, déjà, d'Angel. C'était un milieu hyper bourrin et tout, et au fil des interviews de Chuck Schuldiner, il y a un truc qui se voit, c'est que c'est un gars hyper premier degré, hyper sincère. Pragmatique aussi. En tout cas, tu ressens ça. Il a toujours été fan. Quand tu interviews un fan qui joue de la musique dans un groupe qui est super coté. Le gars est précis quand il parle de son groupe, au fur et à mesure des interviews, tu le sens qu'il est professionnel. Mais tu sens que c'est quelqu'un qui est premier degré dans le sens où il va recevoir au premier degré un compliment, il va pas faire une blague au fan qui l'a remercié, etc. Et il y a des questions qui peuvent le vexer parce que c'est des questions au second degré, etc. Et il est déjà comme ça en fait. Du coup, à mon avis, à cette époque-là, c'est peut-être ça aussi qu'il a du mal à vivre, c'est que le death metal et le metal, c'est des mondes avec énormément de second degré, avec énormément de personnalités extrêmes qui sont des fois des gens qui ont, comme tu disais, des modes de vie extrêmes, etc. C'est peut-être trop long comme explication, mais... ça peut être ça. Pour revenir au début, il évolue dans une scène qui veut casser les codes dans sa propre salle. Mais moi, je trouve que c'est important quand même pour comprendre la carrière de Jess. Human. Waouh! Quatrième album. Donc, changement complet de line-up. Hein. On a viré tout le monde, cette bande de connards. On passe le balai. On fait à autre chose. Donc, là, par contre, c'est autre chose. Là, on est sur du. Là, le death a mûri. Hein. Le death a pris forme. C'est du putain de bordel. Cet album, il est génial. Pour commencer, Flattening of Emotion, c'est quand même juste des tomes. Avec un gros riff death, mais c'est accordé assez grave en plus cet album. C'est la production de cet album qui est putain de puissante, je crois. L'album est ultra puissant. Ouais. On est toujours au Maury Sound, mais le son a trop changé, je trouve. Alors moi, je pense par rapport à Spiritual Healing, c'est plus bourrin. Ouais, il est plus dur, pour moi, il est défoncé. Ah ouais, mais il est tellement marqué. Ça change trop par rapport à Spiritual Healing. Je pense que Steve DiGiorgio n'est pas pour rien dans cette orientation, on va dire, parce que c'est le fameux bassiste Fretless. Ah, Fretless. Steve DiGiorgio, c'était le bassiste, surtout dans le groupe qui s'appelle Sadus, qui est pas très connu. Ouais. Je dois dire, c'est. Moi, j'ai vu ça sur les t-shirts dans les magazines. C'est trop trop bien, c'est du trash death. Et déjà, tu sens que la basse en fait, est hyper présente. Et je sais pas s'il joue avec une Fretless dans ce groupe-là au tout début. Il a été crédité sur Fretless. Non, pas dans Human. Il n'y a pas de Fretless. Mais ça reste un bassiste énorme et qui jouera avec énormément de groupes plus tard et qui marquera la carrière de Death parce qu'il reviendra. Notamment Iced Earth. Iced Earth, ouais. Ouais. Et Sébastien Bach, visiblement, donc il a vraiment bouffé à tous les râteliers. Ah. Les albums pas trop dégueulasses. Ouais, mais c'est lui qui va suivre Chuck après la. J'assume. J'entends tant, putain, mais tu sais que. J'assume mes coups de chiottes. Mais bon, c'est bien, c'est bien. On l'a fait, ouais. Alors, il y a un changement dans les thématiques. Enfin, on parlait des changements de thématiques dans Spirit Halloween. Dans cet album-là. Le nom, déjà, par rapport. Qui était lié aussi au fait qu'il ne soit pas venu à la tournée européenne d'avant. Alors, tu parles du titre de l'album ? Ouais. De Human ? Ouais. En quoi ça a un rapport avec le live ? Du fait qu'il restait humain, c'était quelque chose qui était ressorti dans les interviews. Ah, et avant tout, c'était un humain. Exactement. Avant tout, c'était un humain. Que les gens doivent comprendre ses sentiments de humain. Voilà. Et pas de démon satanique. C'est dingue de porter des trucs comme ça dans le DS. Enfin, bah, c'est cool du coup. Moi, j'ai l'impression que c'est pas une première, tu vois. Est-ce que je sais pas si c'est lui qui a apporté ces thèmes-là dans le DS, parce qu'il y avait que du gore, je pense pas qu'il y avait d'autres groupes qui le faisaient aussi. Il y avait, je pense, j'ai pas de. Il y avait pas Athéiste qui existait déjà à l'époque et qui était un peu similaire. En fait, je crois que c'est. Parce que, on fait un point athéiste. On fait le point athéiste. Alors, on fait un point athéiste. Armo, vas-y, enchaîne sur athéiste. C'est un groupe de death à Sarwell. Dis tiens à ton expression. Mais hein, non, mais je sais pas, c'est du death très technique. Avec des pochettes qui font pas du tout death, on dirait des trucs un peu. Le logo déjà. Ouais, ça fait penser à certaines pochettes ou Queen des fois. Mais un peu, c'est ouais. Perso. Ouais, mais plus gentil que la musique. Je sais pas, mais bon, ça fait penser à ça en tout cas. Mais c'était vraiment du death, qui peut un peu ressembler à death d'ailleurs, des fois dans le côté un peu fouillé au niveau de la rythmique, etc. Basse batterie, un peu jazzy, etc. Death à bolasse. Et c'était. Ouais, voilà. Exactement, c'est un death à bolasse avec des thématiques. Death à bolasse enflammé, mon gars. Même pas enflammé, t'as des thématiques à death. Du death à chien, c'est ça ? Oh non ! Ouais, ça va trop loin. Ah, là, c'est parti. On va arrêter d'être à chien. Un très bon groupe, quand même, parce que c'est vachement bien. Donc le rapport avec le death. Enfin, avec des thèmes. C'est que c'est un peu plus ouvert sur l'humain et l'humanité que le death metal traditionnellement, peut-être qu'on connaît. Ça aborde des thèmes plus philo, tu veux dire. Bah, c'est ça, un peu plus ouvert. Et la musique fait d'ailleurs plus penser à ça. Enfin, là, du coup, le coup, le logo, les pochettes, etc., elles sont vraiment dans ce style-là. Quoi. C'est plus ou moins crade que death. Et c'est pas crade non plus de dire que c'est plus prog, du coup, comme death. Pour l'instant, c'est plus prog que Death, mais peut-être que Death va devenir prog. C'est pas encore. Juste pour le logo de l'athéiste qui fait pas du tout penser à un groupe de Death. Non, c'est-à-dire, quand tu prends une pochette d'athéiste, tu ne dis pas que tu vas écouter du Death. Quoi. À la limite du Heavy, peut-être un peu du trash, je sais pas trop, mais. Bah, du prog, hein. On parlait de Death. Donc de Human, donc c'est un album en réaction donc à la période dépressive un peu de Chuck, hein, donc qu'il avait vécu sur le précédent album. Au niveau des lyrics, donc il y a toujours une volonté d'aller un peu plus loin. Là cette fois-ci, comme le nom l'indique, on va s'intéresser à l'humain. Et donc Nelson, t'as lu un peu plus les paroles de l'album. Ouais voilà, surtout. Et t'as interdit sur un morceau. Lack of compréhension que tout le monde connaît. Hein. Du coup c'était en réponse. Si tout le monde a vu le clip, hein, c'est un gamin qui vit chez sa mère qui est alcoolo et tout, en fait. Du coup, il se tape avec sa mère, il essaie de lui retirer la bouteille d'alcool et tout. C'était par rapport à deux gamins qui s'étaient butés dans les années 80, en fait. Et les parents de ces gamins, ils avaient accusé du coup, le heavy metal par rapport à une chanson du Judas Priest hein, qui est sortie sur l'album Stained Glass. Ouais, c'est sur Stained Glass. Voilà, c'est la chanson Better by You, Better Than Me. Ah. Donc les parents, ils ont eu un procès en fait. Pour Balfour, dont on t'embrasse. Et les paroles ont dit oui, on a mis les paroles de la chanson. On a mis les paroles de la chanson à l'envers et ils ont essayé de trouver Do It. Pour justifier le fait que leur gosse se soit buté en rapport à Judas Priest, alors que c'était complètement faux. Sur l'avortement aussi, ouais, qui disait bien que ouais, on peut pas, un mec peut pas obliger sa meuf à garder l'enfant et tout. Déjà très progressiste. Il parlait de ça dans l'interview déjà. Ouais. Mais c'est marrant, mais, enfin, encore une fois, c'est dingue que des dessins prennent la parole sur ce genre de choses. Qualité de son corps en fait. Ouais. Bon, il y a un truc. Ouais, ma chanson préférée c'est l'autre, c'est Together as One aussi, c'est une chanson sur des sœurs siamoises en fait. Ah cool. Oui, il décrit des sœurs siamoises, etc. Dans une interview, il parle de cette chanson et il est tout normal et il dit ouais, imaginez, là je suis rentré dans cette pièce, etc. Mais imaginez, j'avais un frère siamois, ça aurait été complètement différent. Et c'est assez marrant quoi, qu'il utilise des thématiques un peu comme ça. Bon, en tout cas, il, a il est déjà vachement dans le mental, quoi. Ouais, voilà, il a c'est ça les questionnements. Il y a plus ses thématiques, quoi. Beaucoup de regard extérieur sur les choses. Et il pose souvent des questions dans les paroles, en fait, à chaque fois. Oui, c'est vrai. Ouais, Nelson, tu m'avais dit que ouais, souvent la plupart des fins de chansons étaient des questions. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent des refrains, enfin, couplet-refrain, et rarement il y a une, fin, y a une quoi, question. Un peu comme le bac de Philo. Ouais, voilà. Après, il faut pas non plus. Ouais, voilà. Pendant enfin moi je me souviens quand j'étais plus jeune c'était quand même connu genre les paroles de DS ou ouais, mec mais ça parle oui, non, mais bien trop sûr, philo et tout ouais. C'est vrai que je sais pas aujourd'hui j'ai pas fait beaucoup plus de philo mais quand tu lis les paroles bon il y a des questionnements c'est intéressant oui mais etc. Voilà mais c'est non, mais surtout dans mais le c'est pas trop style, compliqué à comprendre ouais, mais t'as pas le même âge voilà c'est ça t'as pas le même âge que lui c'est hein. Peut-être tout simplement ça ouais. Ouais. C'était dans le style bah voilà tu m'as bien rabaissé merci pauvre merde. Bon, on passe à autre chose. Soyez sympa comme Chuck. Soyez sympa. Be kind like Chuck. Ouais. Fonda, vas-y. Je sais plus en fait si on avait parlé, lorsque t'as parlé d'athéiste, c'était aussi dans la structure des morceaux, là où Death a bien changé par rapport aux albums précédents, c'est qu'ils incluent aussi des passages qui sont beaucoup plus proches du jazz au niveau de la composition. Et c'était ça ma référence à l'athéiste ou pas, j'ai pas un peu, ouais, au niveau de la rythmique et tout, enfin, plus au niveau des thèmes. Sur l'humain, etc., un peu plus ouvert que le death metal en général. Et... Au titre du fait que, en plus, Human, c'est l'album où il y a la seule chanson instrumentale, enfin, chanson instrumentale, ça veut rien dire, morceau instrumental de Cosmic de Death. Ouais, c'est pas la seule, hein. Bah, ouais, c'est pas la seule, je crois que c'est la première. C'est un autre Perseverance. Ouais, il y en a une autre. Je l'ai pas réécouté celui-là aujourd'hui. Non, on en reparlera. Ouais, mais ils en ont fait deux, genre, tu ouais, vois. Non, ils en ont fait trois, en fait. Mais c'est pas la deuxième. On en reparlera plus tard. Je me rappelle plus exactement, mais il y en avait une. Voilà. Super, hein. Un petit dernier. C'est pour qui, moi, maintenant? Ah, bah écoute. Bon, moi, je te laisse pas dire de la merde. Bon, les. Allez hop, je relève le niveau. Album suivant, Individual Thought Patterns. Personne ne sait le dire. Je ne sais pas du tout, c'est correctement. Individual Thought Patterns. Bah ouais, bon, ça. Alors, modèle de pensée individuelle. Ah, très bien. Sorti en 93. Cet album-là, c'est quand même. Bon, c'est pareil, quoi, ça va monter. Quoi. Ça monte encore plus, ouais, dans l'intensité. Dès le début, en fait, c'est plus la lente progression des tomes avec un son très lourd qui fait penser un petit peu à les prosies, Spiritual Healing et tout. Là, c'est des guitares qui s'envolent direct. Je crois que le premier riff, je chanterai pas, mais tu le mettras genre là. Et c'est des guitares qui. Enfin voilà, ça part de ouf et tout, et ça va tout de suite très vite, etc. C'est comme si c'était un espèce de retour à quelque chose de plus énervé finalement. C'est bon, il a digéré sa dépression avec le man, mais là il y a rien. On est sur un. Papa, je suis de retour. Wow! Ouais, bah ouais. Tu tapes pas ouais, comme ça, c'est bon. On est vraiment sur un album où j'ai eu énormément de mal à l'apprécier au début. Et en fait, à force de l'écouter, et je me suis dit, putain, cet album est hyper riche, hyper intéressant à tout niveau. Il n'y a rien acheté. Il y a un peu de tout déjà à ce moment-là. Ouais, il y a beaucoup de différences et ça va. C'est le premier des. Moi, je pense que c'est quasiment une triplette les trois derniers albums de. Death, en fait, que pour aimer certaines personnes. C'est le premier de la triplette. Oui, là on est passé dans la deuxième période de Death pour moi. En fait. Ah oui, je suis d'accord. Là en gros, si tu voulais mettre Death en deux périodes, bah, ça se couperait là. En fait, ce serait avant, Human, c'est presque l'album pivot finalement. L'album pivot, comment c'est Human, on arrive direct dans la transition. Ah, et il y a un autre truc dont on a pas parlé, c'est qu'on a changé aussi l'artwork des covers. On est passé de Repka à Ed Mile. Depuis Human, c'est vrai. Ouais. J'ai plus, j'ai oublié son nom. Quel grand artiste. Eminem. Ouais. Oh, je voulais pas le dire, mais... Et l'auteur des pochettes à partir de maintenant c'est René Miville. Okay. Et c'est un mec qui vivait en Floride. On sait pas trop comment en fait Chuck a pu le connaître en fait. On sait pas trop. Ouais, voilà. Croisé dans la rue. Mec, tu peux faire des pochettes. Ouais. Et donc, Inuvial Thought Pattern, ce qu'on appellera ITP pour plus de clarté francophone. Merci. Maintenant. Donc déjà, apparemment, ils ont changé de label, hein, c'est ça. Ils sont passés chez... Alors, attention. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont distribués par Roadrunner. Ah là là. Encore eux. Voilà, ils sont toujours chez Combat. À l'époque, toujours un label avec lequel ils étaient avec... C'est toujours eux qui les produisent. C'est Roadrunner qui, donc le géant américain, le Walmart américain, le Walmart du métal extrême, distribue cet album. Donc forcément des moyens peut-être un petit peu plus gros, non? Bah ça s'entend que c'est un petit peu, c'est plus de son différent. Ouais, il y a... Bah, il est carrément différent par rapport à Gene Hogan qui est à la batterie. Voilà. La batterie dans Dark Angel et qui compose aussi pour Dark Angel. Exactement. Un groupe de trash hyper bourrin des années 80. Ouais. Il faut absolument écouter. Darkness Descends 86. Exactement. Bon. J'en dirais pas plus. Elle est pour toi. Ah, oh, merci mec. Bah, j'ai juste vu une petite interview de Chuck qui parle de cet album là et qui dit qu'il voulait des curves en fait à cet album, être plus ouvert en fait que Human, qui pensait plus comme un album un peu rentre dedans, il est là, il est seul, tout balancé. Et avec ITP, c'est plus il se repose un peu, il fait des trucs qu'il a envie, un peu plus technique. Ouais, il se repose, ouais, il est quand même. Ouais, il se repose, ouais. Il a moins le seum. Bah, la basse, la guitare, la batterie, c'est hyper cool. Ouais, justement, c'est quand même ambitieux. C'est pas un digeste, mais c'est. Ouais, ça va loin quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, il se repose pas sur ses rires. Alors là, on va passer à du lourd, j'ai envie de dire. Parce que je crois qu'on est un peu... BOUM! BOUM! Je crois qu'on est à peu près tous unanimes sur cet album. On le hait! Ah ouais, on le hait de toutes nos forces. Oh, c'est de la merde. 1995, symbolique. Ah. Ah. Ah bon? Ah ouais. Ah, bon. Ah ouais. Ah, c'est quoi, hein? J'ai pas écouté. Ça sent où Metallica en 95? L'autre moins bon. Deux avant... On est un an après Burn My Eyes. On est tous nés dans les années 80. Non, hyper bien Burn My Eyes. Flynn, si tu nous écoutes. Même si t'es con, on t'aime bien. Bon, c'est l'album de qu'on disait avec lequel on a presque tous découvert. On a quasiment tous découvert Death avec Symbolic. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus sur cet album qui est quand même massif? Moi je trouve que les riffs on les sent plus en fait. Ils sont plus directs et... Il y a moins des notes partout, tu vois, c'est... Ça part pas dans tous les sens. Ouais, ça part pas dans tous les sens. Même les riffs, ils se répètent, et tant mieux. Parce qu'on les apprécie plus, et... Il y a moins d'informations, contrairement à Individual, qui il y a plein de notes partout, ça va très vite, et puis il y a beaucoup d'informations d'un coup. Donc là, c'est plus simple. Alors, moi, je trouve que d'abord, Death, à ce moment-là, c'est un son incroyable. C'est le son de Symbolic, je l'ai jamais retrouvé dans aucun autre album de métal que j'ai écouté. Même dans Ride of Lightning? Ah non. Tu trouves que c'est la même? Ouais, parce que moi, je trouve que c'est... Ah, c'est rigolo. J'ai trouvé quelque chose dans cet album qui me rappelait cet album. Ok. Enfin, l'album de Metallica, mais... Là, c'est tellement pas les mêmes riffs que j'aurais pas dit. C'est pas les mêmes riffs, je suis d'accord, mais il y a quelque chose, une espèce d'envolée, un truc, quelque chose de... Du son, des... Est-ce que c'est positif pour toi? Ah oui, tout à fait. C'est un son énorme. Tout ce bien sûr, c'est un son énorme. Voilà, le son symbolique, c'est à mon avis le premier truc que tu repères quand tu écoutes symbolique, tu fais ah, même si c'est un groupe que tu connais pas. Voilà. Ce qui est génial dans Death, c'est que tu peux aller en fait dans les paroles, fouiller un petit peu. Même si ça, c'est plus intelligent que la moyenne, mais c'est pas non plus. Il y a pas que ça, quand tu écoutes du métal, t'as envie d'entendre des riffs. Bien sûr, et justement, et c'est là en fait où le truc est est très balèze dans son travail de composition, c'est qu'il te raconte une histoire seulement par sa musique. Et dans la symbolique, c'est il a son max. C'est la carte et son chouchou. C'est le mec, mais t'écoutes en fait le début du morceau et à la fin, t'as l'impression qu'on va lui en roman. C'est un Reader's Digest dans un roman de SF. Il a raison, il y a un côté, pavé. C'est une histoire qui sert à un côté pavé. Il se passe plein de choses dedans. On sent qu'il a bien compris ce qu'il faisait, quoi, ce qu'il a fait avant, il a bien digéré tout ça et il t'en fait un truc accessible, tu vois, sans qu'on prenne un foot partout, même si ça restait cool parce que la batterie de Gene Hogan, elle est vite scintillante, il fait des petits trucs tout le temps, des doubles pédales partout. C'est dans chaque chanson, quasiment un tube, et t'entends trop par les refrains, etc. Tu t'en souviens. Ça rentre vite dans la tête. Exactement. Genre Empty Words, tu entends l'intro de cette chanson, tu sais tout ce qui va se passer, et puis bête de riff et tout, t'as un gros refrain, et il commence à faire ça, et ça passe. Et tu dis jamais dans ta vie, tu vas écouter des chansons avec des refrains de pièces techniques, et pourtant si, tu vois, et ça te. C'est vrai que ça l'a fait à tout le monde. Et c'est assez ouf, quoi. Et tu dis quand tu écoutes cet album. T'as l'impression que le mec il a 10 000 cymbales, des cuillères ou je sais pas quoi. Mais le mec il est là, il distribue. Parce qu'il a 4 bras, exactement. C'est un truc de malade. Et c'est vrai que le son est ouf parce que t'entends tous les petits trucs qui sont joués. Notamment la batterie, je crois que c'est un des meilleurs albums de basket. Bah t'as la chanson Without Judgment où il y a ce fameux passage qui, quand la première fois que j'ai écouté, on peut faire ça dans des plates. Ça va trop transporter de malade. Un dernier truc sur Symbolique ou un dernier truc sur la prochaine norme. Non. Pour parler. Moi c'est pas seulement une œuvre majeure dans le métal, c'est une œuvre majeure dans le monde de la musique. Et s'il y a sortez les quotidiens. Ah oui, sortez les feux d'artifice et tout quoi. Sortez les trompettes et tout. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont pas forcément nécessairement des fans de absolu metal, ils peuvent écouter cet album, c'est une œuvre d'art donc en tout cas, ils comprendront ce que ça représente une œuvre d'art pour nous. Voilà, je vais replacer aussi le contexte de cet album, c'est en 1995 que c'est sorti, et cette année-là, à quelques semaines d'intervalle, il y a eu Domination de Morbid Angel, The Manufacture de Fear Factory, et Symbolique de Death. Je peux te dire que l'année 95, pour les métalleux, c'était... C'était un peu la fête. Ah mais c'était la fête de la double pédale, quoi. C'était la fête de la double. Tu aimes la batterie. Tu aimes la batterie. Tu vas aimer 1995. Tu aimes les doubles grosses caisses. Alors 95 est fait pour toi. Vu à la télé, tu vois. Alors, Symbolique, on a terminé, on passe à la suite. Je pense que Symbolique, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux faire de très très bien après Symbolique? On arrive en 98. Sound of Perseverance. Qu'est-ce que vous pouvez raconter dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est un album qui divise quand même. Et les boudés aussi, parce qu'ils ont signé sur Nuclear. Oh, les vendus! Oulala! C'est bon, je pense pas que c'est Nuclear Blast parce qu'ils sont du métal. Il y a 20 ans, Nuclear Blast était vendu en 98. C'était déjà quand même une grosse machine. Non, à l'époque, c'était la grosse machine. Non, c'était pas le côté qu'ils ont été vendus, c'est peut-être le côté qui était un peu. Je l'ai déjà dit parce que quand je l'ai pensé en l'écoutant, que ça faisait un peu death de péteux, tu vois. Oui, je voulais le sortir. Il est un peu trop recherché tout le temps, tout ça. Là, on est plus dans le. C'est un album décevant, quoi. Non, il est décevant, il est juste genre hyper différent. Alors, il faut savoir que quand même, je pense que Chuck. Est-ce qu'il sait qu'il est malade et c'était pas clair? Oui, Il se plaint un petit peu de douleur dans le cou. Est-ce qu'il commence à être un peu. Lui qui est un gros travailleur, il est un peu plus faible, je pense. Que va-t-il se passer? Et il veut beaucoup travailler sa technique du chant aussi. Dans cet album, ça s'entend beaucoup. Il lâche un peu le growl pour chanter beaucoup plus aigu, beaucoup plus épique et vinétal. C'est qu'elle est plus aiguë, elle s'approche aussi plus du chant black metal. Oui, ouais, ça c'est un truc que tu m'as bien dit, ça je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est une façon de chanter qui est un peu plus aiguë, mais bon, oui, ça... parce que c'est plus nasillard. Les criards, les criards. C'est criard nasillard, ouais. Donc c'est pour moi... Oui, ça fait peut-être un peu plus proche du black metal. Des sons assez proches de Venom. La chanson notamment Soul Crusher avec un refrain de ouf, ouais. il crie, c'est Gozzy comme presque 15 ans avant dans Scream Bloody Gore, c'est Gozzy sauf qu'au lieu de grôler il fait un cri suraigu qui dure 5 secondes et c'est hyper. Moi je le rapproche un petit peu de l'individuo. Ouais. Cet album, c'est un peu. T'es pas seul. Il ressemble plus à une idée. Ouais, c'est un côté. Dans le sens où il veut encore rehausser le truc. Rehausser sa musique. Pour Chuck, c'était une synthèse des trois précédents albums. Quoi. Mais cet album, moi, ça n'a jamais été mon préféré. Je trouve qu'il fonctionne bien en chant du signe justement de Death et qu'il a, ça lui fait un peu son charme. Je sais pas si c'est volontaire, je sais pas si Chuck savait qu'il avait. Bah, il le savait pas vraiment. Non, il pouvait le savoir forcément. Enfin, il avait des buts. Et je trouve que ça lui donne un certain charme, cette espèce d'album hyper technique, vraiment peut-être trop poussé, c'est un peu ce qu'on lui reproche. Un peu tout à balle quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il a pas tout donné justement sur ce dernier album si c'est. J'ai l'impression aussi, comme toi, c'est l'impression que c'est. C'est un album que dans 30 ans, on aura peut-être compris pas ce qu'il voulait dire en fait. Moi je le ressens pas, tu vois, il fait trop technique métalleux, tu vois. C'est que il me parle moins, il fait moins death. Mais c'est ce que tu disais, un peu péteux. Ça fait limite du death de prof de musique, tu vois. Sérieux, c'est ça le ressenti. Ouais, bah c'est ça. Alors, Panda, vas-y. Moi je suis pas Zikos, donc déjà, j'ai peut-être pas forcément la même approche quand j'écoute un album comme celui-ci, quoi. Parce que j'entends pas seulement les guitares ou je sais pas quoi, et puis, enfin bref, tout l'aspect technique, ça me passe presque au-dessus de la tête, on va dire. Mais je vois surtout la complexité des morceaux, et puis toujours ce travail de composition qui est complètement dingue, quoi. Mais des fois, trop de complexité, ça tue la complexité, tu vois. Ouais, avant, c'était technique, ça a toujours été technique, Death, mais ça, qu'à cet album-là, je trouve que c'est trop. Et cet album-là, il y arrive presque, en fait. Encore une fois, ça reste, pour moi, un disque qui est au-dessus de la moyenne, quoi. Oui, non, mais par rapport à la moyenne de Death, c'est en dessous de la moyenne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, de toute façon, techniquement, c'est relevé, hein, c'est sûr. Mais bon, t'as l'air de défendre quand même cet album assez. Enfin, mais parce que je l'ai. Je vous rappelle qu'il écoute In Flames. Oh tu l'as écouté aussi à une époque où t'as découvert aussi Death. Oui, mais j'avais découvert Death avec Symbolique. Et j'avais enchaîné avec Son of Perseverance. Et parce que c'était la même année où j'avais découvert Prodess, ouais. Et donc il y a beaucoup de choses en fait qui me font aimer cet album. Et il y a une chose qui est un peu bizarre, mais bon c'est quand même en lien avec ça, c'est que ils ont fait une reprise donc de Judas Priest qui est un peu critiquée par ici là. On en reviendra sur la vie Nelson. Donc Painkiller, ouais. Et je me rappelle d'une soirée, j'avais la vingtaine, et on était parti chercher une bouteille de Sky pour continuer la soirée chez moi. Je vivais chez mes parents à l'époque, c'était une soirée pluvieuse. On était parti chercher du réassort pour finir la soirée chez moi, et dans sa Twingo, Julien traînait une petite cassette de Death, c'était Son of Perseverance. Et on était arrivé sur le morceau Painkiller, et je sais pas ce qui s'est passé, le son lui est monté au cerveau, et puis il s'est mis à accélérer dans tous les virages, et il s'est dit, tiens, ce prochain virage, je le passe au frein à main. Et en fait, on l'a pas passé au frein à main, on est parti tout droit dans le mur. Ce qui est bien avec les cassettes, c'est que quand il y a un choc, ça saute pas, tu vois. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y avait une petite bite devant, là. Ouais. Donc la Twingo était montée un peu dessus, on a dû sortir de la voiture pour la pousser, et donc la voiture allait encore bien, nous aussi, quand on avait nos ceintures, hein. La sécurité avant tout, et je crois que cette chanson, en fait, l'a motivée suffisamment pour se dire, attends, est-ce que la voiture roule? Et oui, sauf, il y avait des à-coups à 90 degrés sur le volant, là, mais du coup, on est quand même allé chez moi, on a défoncé cette bouteille avec deux potes, et oui, la voiture aussi, et il est reparti à 6h du mat' avec, et puis on a écouté du Death toute la soirée, en fait. Voilà. Voilà la petite anecdote. C'est la meilleure pub pour Son of Perseverance que j'ai vu en vrai. Exactement. The Son of Perseverance, un album qui... C'est le dernier. Hein, il plaît à beaucoup de gens quand même, mais ouais, effectivement. C'est le dernier, on peut pas dire que enfin, c'est peut-être celui qui plaît le moins, qui dit le plus, mais on peut pas dire que c'est un boulet comme d'autres artistes de death metal ou de trash metal. Tout à fait d'accord. Oula, non, bah non. Après, c'est ressenti quand tu construis toute la carrière et arriver à là, oui, c'est vrai que tu poses des questions. Il y a beaucoup de groupes de death qu'on sortait, je suis hyper indulgent de groupe de trash. Par contre, tu voulais revenir sur la reprise de. Tu critiques pas, j'ai fait mourir dessus. On a eu une anecdote sur Panda, mais toi, bah, moi, je toi t'as un ressenti assez particulier ouais, là, je trouve trop, trop scolaire la reprise. Elle est parfaite, hein, elle est nickel et tout. Ah bah, c'est bien, oui, mais bien joué. Mais faut savoir qu'à l'époque celle de Judas Priest, c'est plus bourrin. Quoi. À l'époque de Human, j'ai découvert qu'ils avaient repris une chanson de Kiss, Blood Thunder. Ouais, Blood Thunder, c'est vrai. J'ai envoyé la aujourd'hui, j'ai écouté. C'est la même chose, c'est hyper scolaire. C'est juste genre, regardez, on aime ces groupes-là, j'étais un peu déçu parce qu'on en parlait. Pour faire un parallèle sur des reprises de Kiss, c'est vrai que par exemple, les Melvins avaient repris Going Blind. Ils ont mis leur prise. Ils ont vraiment mis leur patte pour la reprise. Et c'est vrai, quand t'écoutes. Mais il y a des groupes qui font des reprises comme ça, voilà. C'est pas du tout. C'est hyper scolaire. C'est hyper scolaire. C'est hyper scolaire, quoi. Ouais, c'est qu'il y a un petit côté scolaire. Mais c'est. Moi, je pense que. Ouais, Jack, c'est ça qui me dérangeait. Limite, il est fait. Il me dérange. Il les ferait exprès pour dire regardez, moi j'aime ça aussi. Mais je suis métalleux comme lui. Il veut juste faire hommage, je pense. Il veut juste oui, bah. Bah ouais, mais. Il veut les jouer comme lui, il l'a entendu, en fait. Il veut dire ça. Il veut jouer comme lui, il l'a entendu. Et en rejoignant ce que t'avais dit au début aussi du podcast. Comme quoi c'était un mec qui était plutôt premier degré. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'il a pris cette chanson, il a dit elle est comme ça, je la laisse comme ça. C'est quelqu'un qui a une personnalité vraiment. Mais oui, clairement, c'est quelqu'un qui est pas capable finalement de mettre sa patte en fait sur des chansons des autres, alors que lui-même il a une personnalité musicale. Par contre, il est pas capable de mettre sa personnalité sur un morceau qu'il kiffe. Sa patte, c'est d'être comme ça en fait. Ouais, mais justement, c'est ça qui est dingue en fait avec des reprises. Avec des reprises, il est même pas capable de faire un truc à la death, mais vraiment. En fait, c'est limite plus sérieux que du carton, parce qu'en fait, pas qui c'est du death, c'est un peu plus fun que death. Au final, et du coup, lui il reprend ça dans une façon sérieuse, genre parce que ouais, c'est ça. Ce qu'il avait, ça peut être comme il aurait joué lui, comme il aurait joué quand tu fais des reprises, ouais, c'est un ça. Peu sur ce note ça avance. Mais bon, c'est quand même pas un album qui se. Enfin, là, on l'écouterait, je pense qu'on serait pas en train de bien chercher dessus, c'est juste le ressenti chacun. Ouais. Parce que c'est quand même le dernier, il faut quand même rendre hommage à. Ça fait un peu sûr. À ce groupe. Bon bah très bien, on a fini sur Son of Perseverance, ou vous avez quelque chose à ajouter encore? J'ai 3 points, 8 interviews. J'ai encore 3 anecdotes et 8 interviews. On n'a pas parlé de la pochette, mais est-ce qu'on va parler? Elle est clairement moche, moi je trouve. La pochette c'est sympa, moi j'aime bien. C'est pas un album. Remastered, elle est superbe. Mais sinon, non, elle a pas dégueulasse. Mais c'est grosse pute pour Relapse ce soir. Symbolique par contre, la pochette elle était vraiment belle. Symbolique elle est sympa. Ouais. Je pense que je l'avais, mais elle est sympa. Vilainement sympa. Ouais, c'est pas mes pochettes préférées, perso. Je préfère les pochettes avec cadavre. On a oublié de parler aussi de Boys of the Soul. La deuxième instru. Ah, t'y tenais, hein. Je vais dire que c'était pas la seule instru. Bah vas-y, t'es en train de le faire. Non, pour l'instant, je finis de me servir mon Ricard, démerdez-vous. Bah c'est. Eh bah voilà. On est parti. Donc on a fini sur The Sound of Perseverance. Voilà. En 99, il y a un album un peu différent de Death qui sort, on va pas en parler très longtemps, mais ça fait quand même partie de la carrière de Chuck Schuldiner. Ouais, c'est son petit projet parallèle, hein, Control Denied, qu'il avait commencé plus tôt, à l'époque de Symbolic, en 96 je crois, avec plusieurs démos toujours, et avec beaucoup de musiciens qui seront les Icos de Sound, d'accord. De Son of Perseverance, ouais, il en prend un ou deux, je crois. Et puis il est avec d'autres musiciens. Je crois qu'il y a un gratuit en plus. Surtout un mec à la voix qui. Enfin, alors, oui, voilà, alors c'est ça le plus intéressant, c'est celui à la voix. Donc c'est ce. Tim Eward, en tout cas. Tim Eward, ouais. Tim Eymar. Eymar. Comme Neymar, mais sans le N. Eymar. C'est Neymar qui chante. C'est Neymar qui chante. Bon, alors cet album, ça change vachement de Death quand même, enfin, de ce que les gens. Alors, moi perso, j'ai pas l'impression que ça change Death. Il y a quand même des trucs qui s'échappent du chant Death que Chuck Schuldiner lui-même fait. Ça se voit qu'il a envie de faire autre chose au chant. Dans Sound ou dans... Bah en fait, à la fin de sa carrière, ça se voit qu'il a envie de se détacher simplement du chant death, growler basique, et qui finit par un groupe où c'est pas lui qui chante parce qu'il a pas encore, à mon avis, la... Ouais, une pochette très actuelle. Ah, pochette horrible, ouais, complètement. D'accord. C'est une espèce de miroir avec une crème. Exactement, ouais. C'est ça, on va écouter cet après-midi. Moi, je me rappelle. Justement, Théo, je voudrais revenir à ça parce que t'as écouté ça au lycée. Parce que j'étais déjà un grand fan de Chuck Schuldiner quand j'ai découvert Death. Vraiment, ça a été genre la rue, mon gars. J'étais genre. Contrôle Pilot, tu l'as découvert comment? Parce que c'était après. Magazine, sur internet. Non, à l'époque, j'avais quand même un petit accès à internet. Je suis né à la fin des années 80. Donc, j'ai quand même. Quand j'étais au lycée. Des mots comme ADSL, je sais pas ce que c'est. Parce que les charges sur Casa, ça veut dire quoi ADSL? Non, je... Alors le A c'est quoi? Ça veut dire... ça veut dire élu, émule gratuit. C'est quoi le arrobase? Non, j'ai pas honte de dire qu'à l'époque j'ai téléchargé pas mal d'autres pour forger ça, ADX ou ADSL. J'ai téléchargé des tas d'albums qui ont permis d'en racheter d'autres. Je suis en train de dire un truc sympa sur la licence globale. Non, non, en vrai... C'est ta gueule sur Napster. Mais tu vois, j'ai essayé de la télécharger deux fois à l'époque. La première fois, c'était un film de cul. Mais l'album, c'est un film de cul. Mec, tu m'as posé une question. Pardon, excuse-moi. Alors. T'en parles de l'harcèlement. Non, mais quand. On parle de l'harcèlement. Quand t'es au lycée aussi, t'es vachement dans un truc genre. Un groupe, c'est un mec. Quand tu comprends que c'est un mec, c'est encore plus fascinant, surtout quand t'es genre. Entre 16 et 18 ans. Entre 16 et 18 ans, je sais pas. Et du coup, c'était le groupe de Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner était mort, donc, de manière. Voilà. Tragique. On va en parler. Et c'était d'autant plus cool. Enfin, c'est un petit peu la même. Désolé hein, pour tous les gens qui nous écoutent et qui aiment Death, mais c'est un petit peu la même nostalgie que Kurt Cobain ou des gens qui meurent. Tu l'as vécu comme ça, non? Non, mais dans le sens où ils seront jamais vieux, ils diront jamais des trucs nuls et ils diront jamais des Death Mustaine. Ils ont genre fait le meilleur. Ouais, c'est vrai. Ils diront jamais l'arsenic. Ils sont morts. Ouais, ou des l'arsenic, exactement. Non, ils ont fait trop le. Il y en a plein, des gars qui sont devenus détestables. Et en vrai, il y en a même plein qui sont encore adulés aujourd'hui, qui deviennent des gars très nuls, qui sont déconnectés de la réalité. Chuck Schuldiner, c'est horrible à dire, il est mort, il y a beaucoup de gens qui l'aiment parce qu'en fait, il est jeune très longtemps. Il a pas eu le temps de faire de la merde. Jeune éternellement, il a pas eu le temps de faire de la merde, il a pas fait d'album en 10 jours. Même contre Bina, il t'en dit que ça bizarre, ça reste encore. Pas bizarre, c'est. Excusable. Ouais. Exactement. Franchement, techniquement, ça, c'est irréprochable. Il y a des très bons refrains, ça c'est vraiment la patte, tu vois, que je veux dire. Moi je trouve qu'il y a des très bons refrains sur cet album, je sais plus, les pas tous dans cette table. Mais moi, je l'écoute là, je suis au plaisir nostalgique, je l'écoute très sans problème. Quoi. Ça donnait moins la direction après sa mort, où il voulait aller peut-être dans d'autres choses. C'est ça, ouais. Par contre, il était plus dans un délire à vie, détaché d'une pièce complète. Ouais, voilà. Alors après Control Design, Chuck se plaint de certaines douleurs au cou. Il va aller faire quelques allers-retours à l'hôpital, ça va guérir pendant un petit moment, mais malheureusement, le 13 décembre 2001, Chuck décède. Alors selon la légende, 3 heures après le dernier concert de Death. Chuck est pratiquement mort sur le Wikipédia américain. Chuck est entraîne la fin de... On a oublié de dire aussi qu'il y a eu une campagne de fonds qui a été créée entre autres. Exactement. Oui, oui, exactement. Ouais. Et quand l'argent commence. Parce qu'il y avait son opération coûtait 70 000 dollars. Ouais. En fait, si tu rassembles tout, les rayons X et puis les médocs, l'opération en elle-même, il y en a eu pour 300 000 dollars, un truc comme ça. Quoi. Et en fait, bah, il n'avait pas d'assurance maladie, Chuck. Et il y a sa mère qui s'exprimait là-dessus. C'est. Et elle disait justement aux autres. John Schuldiner. Qui disait aux autres métalleux, membres de groupe, prenez une assurance maladie. Voilà. C'est avant que Obama arrive et essaie de faire quelque chose. Mais il aurait dit une campagne de vote pour lui. Jane, qui est vraiment métalleux, a pris soin de son fils. Ouais, il y aura beaucoup d'interviews d'elle qui sortiront d'ailleurs après sa mort. Elle a beaucoup protégé le patrimoine. Parce que justement, après la mort de Chuck, c'est donc sa sœur Bess, sa petite-sœur et sa mère. C'est une sorte de famille, les Schuldiner. Qui vont récupérer les droits de Death. Il y a des interviews qui sont très très touchantes. De la mère de Chuck, où en fait elle raconte un petit. On lui pose des questions sur Est-ce qu'elle avait déjà écouté Death? Est-ce qu'elle savait comment était Chuck quand il était petit? Qu'est-ce qu'il écoutait, etc. Et elle a toujours ce côté un peu touchant en disant « Non, je connaissais pas trop, pour moi c'était du bruit. » Voilà, c'est ça. Trop, elle avait beaucoup d'affection pour son fils. Ouais. Elle avait dit qu'elle avait déjà écouté Death et qu'elle trouvait qu'elle aimait bien la batterie. Elle trouvait sa voix, la voix de son fils très bien. Et les interviews sont hyper touchantes. J'encourage tout le monde à les lire. Parce que c'est vraiment la maman de métalleux. Il disait vraiment souvent dans plein d'interviews que pour lui c'était ça vraiment le plus important, et quand les gars prenaient vraiment trop au sérieux ses paroles, il se réfugiait toujours derrière ça en disant non, moi le plus important c'est la famille machin et tout. Cette atmosphère familiale qui a. C'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs même dans les interviews de ses membres et enfin, dans ses anciens membres, qui parlait toujours de quelqu'un qui était toujours très proche de sa famille. Quand il faisait pas de musique, quand il faisait pas de tournée, voilà. Toujours avec sa famille. Tout le temps. C'était. Et c'est assez. C'est ce qui le rend encore plus. Non, mais c'est ce qui le rend encore plus profond quand tu compares avec sa musique, une musique très agressive. Bah oui, oui. C'est alors que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la haine, mais qui en tout cas qui ressentait beaucoup les choses, qui a besoin de les exprimer. C'est un humain. Il est inhumain, quoi. C'est un artiste. Hein. Il avait un modèle de pensée individuelle différent. Symboliquement, il s'inscrivait dans un modèle humain. Mais des fois, il vas-y, t'en criait le putain de gore, hein, tu sais. C'est la notion de la persévérance. C'est ça. Non, mais du coup, c'est vrai que sa famille a récupéré un peu le patrimoine après qu'il soit mort. Ouais. Ils avaient une épreuve. Ils ont été. Les albums ont été réédités. Ça les aide à philosophie. Alors, oui, donc c'est le label Relapse, qui a récupéré les droits. Auxquels les droits ont été vendus et ils ont tout réédité en 2011. Pas besoin de leur faire de la pub. Si, ils ont produit des trucs sympas. Oui, mais c'est bien, mais bon. C'est juste pour dire qu'en fait. Le groupe n'a jamais cessé d'exister. Hein, en fait, c'est après la mort du groupe. Enfin, de Chuck, ils ont quand même. La famille a demandé un label pour ressortir, tu vois. C'est ça le truc que je veux dire. Tu vois, et ça a eu une incarnation live, c'est ça qui est aussi. Ouais, et aussi par rapport. Alors, justement, oui, c'est après. À partir de 2012, suite à l'impulsion du magazine Sick Drummer. C'est un magazine. Qui a proposé de faire une tournée hommage à Death. On va retrouver beaucoup de membres iconiques. Si je dis pas de bêtises, au début ils ont fait une toute petite tournée aux États-Unis. C'est ça, de 5 dates. Pour vérifier si ça prenait. Ouais, pour voir si ça prenait. Et ils ont fait une tournée mondiale après, ils ont joué au Hellfest. Après ils ont joué en Europe. Qui les a vus d'ailleurs? Moi je les ai vus à Paris, au Trabendo, c'était une expérience. Et ben, on les a vus ensemble du coup, parce que je les ai vus aussi à ce concert. Est-ce que tu te souviens du diaporama au milieu du concert? Ouais. Avec toutes les photos de Chuck Schuldiner, etc. Il y avait le moment où Chuck Schuldiner dans son bain, Chuck Schuldiner sur sa première moto, Chuck Schuldiner avec sa première. C'est sur les 30 ans. Est-ce que vous n'aviez pas trouvé ça trop chelou au milieu d'un concert métal? Ils le font, ils l'ont plus fait après, mais moi j'avais trouvé ça vraiment trop bizarre. Moi non, je trouvais ça cohérent avec la démarche. Je sais pas, moi j'étais pas venu voir. Mais c'est bien de voir un hommage, mais t'avais pas besoin de voir un truc aussi littéral. Enfin bref. Il y avait ça la première tournée, après ils l'ont plus fait. Non, ça paraissait pas. Mais comme je disais là, on était pas entendu, mais ça faisait penser aux 30 ans d'un pote. Mais oui, voilà, mais tu vas voir ça, tu vas voir un concert métal. Alors là, il était bourré, là, il était machin. Mais on voit Chuck Schuldiner à 2 ans, à poil dans son bain. L'intention était avec ses jouets. Il était pas. Oui, bien sûr, l'intention est bonne. Toi, t'as pas des réponses. Non, ça m'a pété mon pensée en deux, mec. Il y a eu deux tournées, la tournée pour Human et une tournée. Oui, on a vu la tournée pour, symbolique. Et je crois comprendre pourquoi Théo trouvait ça un peu chou. Parce qu'en même temps, tu viens voir le groupe et le mec, il partait passer son temps à dissocier sa musique de sa vie privée. En plus, exactement ce que je voulais dire. Mais t'es défoncé, c'est pour ça que t'arrives pas à aligner les mots. Donc je t'ai raté. Personne n'écoute jusqu'à ce moment-là. Non, mais franchement, il y a eu un point d'emploi. Il y a pas de technique. Ça. Il se défonçait avec. Ah oui, putain, faut pas le dire. Le CSA va nous tomber dessus. En crotte. Qu'en est-il de l'héritage de Death? Qu'est-ce que ça laissait comme héritage, Death, musicalement? Faut le retrouver. Bah, énormément. Dans Cynique, Il a de me dire dans tout le Death. Hein. Bah ouais, bah c'est devenu un genre musical, monsieur. Énormément. Alors ça fait. Moi je pense que. Je sais que Jeff Walker et Chuck Schuldiner ils sont très potes, donc. Jeff Walker de. Carcass. L'album Hardwork de Carcass il suit une évolution. En fait, Carcass, il suit une évolution qui ressemble un peu à celle de Death à un moment. Oui, en moins connu. Oui, c'est vrai. Ça reste un groupe assez sérieux quand même, je pense, Carcass. Moi, je trouve un peu moins connu. Enfin, qui a moins marqué. Les premiers temps de Carcass sont reconnus par les gens parce qu'ils ont peur d'écouter du le vrai temps, le plus horrible de tout, mais les choses sont souvent peur. Non, mais ça, notre attraction, c'est horrible. Bref, la suite, c'est que Hardcore, en fait. Pour moi, ça a influencé vachement des générations de blesseux suédois mélodiques. C'est intéressant ce que tu dis, ça. Par là même, à mon avis, Death, c'est sans doute un des groupes les plus influents qui vient pas de Suède qui a influencé des Suédois. Donc le Death Mélo. Mais des groupes américains d'aujourd'hui, moi, un des groupes préférés, Aurelius, un groupe américain vraiment trop bien qui est pas trop connu en Europe en plus, mais écoutez ce groupe, c'est absolument excellent. Ils ont sorti leur troisième album il y a peu de temps et ils suivent un petit peu comme Death, une phase trop bien. Ils ont commencé par Death qui ressemble à du Leprosy et là ils sont sur une ascendance, alors ça ressemble pas à cet album, mais ils sont genre une ascendance comme s'ils étaient à leur Amiga Sub Patterns à leur troisième album, dans le sens où ils ont fait évoluer leur truc et tout, et ça suit les rails un petit peu de Death mélodiquement, donc ça fait penser à ce groupe là, mais ce serait du old school, mais qui se permettrait de faire des trucs bizarres en même temps, une Death plus avant-garde. Voilà. Sur l'héritage, j'avoue, j'ai pas de groupe en particulier qui me viennent comme ça, tout qui ressemble à Death. Pas forcément qui ressemble à Death, mais un truc qui... Ah, je sais pas, parce qu'en fait... Ce qu'il a essayé d'amener dans la musique extrême, en tout cas. Bah, ce qui... Enfin, c'est plus peut-être dans l'état d'esprit. C'est large, je suis d'accord. Je vois Panda faire des grands gestes. C'est trop gros. Bah, c'est dans les... grand peut-être lui, dans l'état d'esprit, le fait que le mec, il soit genre un peu dans... en train de dire, ouais, si vous faites de la musique, il y a une espèce d'objectif, et aller jusqu'au bout, et faites de la musique, faites pas des trucs à la con de poseur, surtout, je pense. C'est important pour lui, c'est un peu le message qu'il essaie de faire passer. Je pense que c'est plus ce message-là, parce que ça sert à rien de faire un truc qui ressemble à Death. De jamais être un suiveur, en fait. Ouais, voilà, et du coup, ça va, de pas ressembler à Death, c'est quelque part, c'est être influencé par Death. Et de Death Metal, tu vois, parce que... Complètement. Et de développer pas son style, mais en tout cas, développer son jeu, c'est le plus loin possible. Développe ton propre son de Death. Bah, d'être un artiste, quoi, en fait. Ouais. Même si t'es dans l'extrême, mais je pense tu peux être un artiste, quoi. Thématique du métal très importante, qui est l'individualité, genre... pour celui qui tuait, genre au maximum, et... Et c'est pas copié. Sauf un douchebag qui fait genre TSF Amix pour rien, etc. C'est l'influence qu'ils ont laissé. Death, ils ont défini ils ont défini le genre, mais ils ont défini aussi toutes les transgressions que tu pouvais faire. Les transgressions du Death. Voilà. Ouais, en gros, ils étaient pas là pour définir un genre musical. Et même Chuck. Bah non, lui-même, ils sont là pour péter les barrières. Lui-même, il a dit ouais, bon, ok, peut-être que je viens grâce au groupe qu'on a formé. On a défini un genre, mais j'étais pas tout seul déjà. Dans le métal extrême, ce qui m'a influencé majoritairement, c'est Venom déjà. Et après, il a cité plein de fois, comme vous avez bien répété, Anvil et Metallica aussi. Et puis plein d'autres groupes comme ça, surtout de la scène anglaise. Watchtower aussi. Bon, on va tous passer rapidement sur notre album préféré de Death. Je sais qu'on a beaucoup dit sur la discographie. Chacun donne un album, un morceau ou même un truc que vous voulez conseiller. Bon bah alors du coup moi je disais tout à l'heure que j'étais rentré par Symbolic, mais mon album préféré de Death je pense que c'est Individual Thought Patterns, celui qui est un petit peu comme on disait juste après le pivot Human, qui ferait peut-être le premier des trois derniers albums de Death. Death bah, moi ça reste Symbolic, c'est le premier que j'ai écouté, donc c'est le plus marqué. Après j'ai redécouvert Human qui était très bien et en plus Symbolic Lore qui était très très subcultural, enfin j'aimais bien ce côté hyper frais enchaîné, enfin effrayé. Bon, je reste sur Symbolic parce que c'est les passages qui m'ont fait le plus kiffer, notamment la chanson Without Judgment. Voilà, sans jugement. Sans jugement. Et moi je mettrais presque à égalité Symbolic et Human. Ouais, aussi pareil pour toi, Symbolic et Human. Ouais. Mon préféré, bah en fait c'est un peu dur à te dire, je trouve que Symbolic a une valeur énorme en trouvant que Madeleine de Proust est limite quoi, parce que c'est genre le truc avec lequel je suis rentré dedans et qui est quand même un album énorme, mais il y a chaque émotion à son album de Death un peu, et on peut. Si on est très. On a envie d'un truc speed, on peut écouter les premiers albums. On a envie de plus poser, on a envie d'écouter de la musique, c'est plus la deuxième période après les 90. En vrai, c'est planable. Yes. Ouais, bizarrement. Planable, c'est planant. Tu peux avoir envie de planer, tu peux. Ouais, non, mais genre dans le sens où ça va être actif, tu vois. Comme je disais, c'est planable. C'est-à-dire, c'est une musique que tu utilises pour planer. Voilà. Bah, tu m'as parlé symbolique, j'étais un peu chez moi, j'ai fumé un jour et j'ai dit Death Metal. Ouais, tu m'as dit que tu avais écouté énormément. C'est les portes. Je rappelle que personne ne fait marqué, quoi. Ça m'avait marqué de ouf, et pourtant, c'était pas du tout le genre de truc. J'ai connu un Stoner ou des trucs comme ça à l'époque, et pourtant, j'avais kiffé, et ça m'a un peu ouvert des portes, etc. Donc je pense Symbolique pour ça, et je pense les Prosy pour le côté où il y a plus des riffs death vraiment charmés, avec des super héritages, des trucs trash, etc. Il reste bien dur. Donc les Prosy, il est ultra bien. Symbolique ou les Prosy? Symbolique ou les Prosy, ah, c'est cool ça. Et toi alors? Alors moi c'est Human, c'est mon album préféré. C'est vraiment celui que j'ai retenu le plus, tout de suite. Je le trouve vachement dur, tout me fait kiffer dedans. La prod, la rapidité, ça part à fond la caisse, c'est hyper heavy, mais... Il plus rentre dedans, ouais, c'est vrai que... Je trouve excellent. Je trouve excellent. Ouais. Moi, celui que j'emmènerais sur une île déserte. Très bien. Ça tombe bien. Donc tu seras en Human. Je pars tout de suite. Bon, merci à tous d'être venus. Tout le monde est content d'être venu? Ça va? Ça va, génial. Ouais, ça va. On a bien fait le tour de Death. On a fait le tour de Death. On reviendra tous ensemble. Je pense pour un prochain épisode qui, je pense, marquera les annales, peut-être même les esprits, et j'espère. Parce qu'on va s'affronter chacun. Les almanachs. Et ça risque de faire mal. En tout cas, merci à tous d'être venus. Et on se revoit la prochaine fois.